sempre os comunicados e publicações sobre a saída oficial de Ruben Amorim por 2 anos e meio para o Manchester United. Arc-en-ciel. But freedom, I have none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking. toutes, voilà donc 13h34, nous sommes ensemble pendant l'après-midi, ça va être toutes sortes de chansons. Voilà tout simplement, nous sommes déjà eh bien le vendredi, le dernier jour de la semaine, et puis ainsi le dernier semaine, le dernier du mois, tout simplement déjà. Ça passe très vite, donc encore encore un mois, deux mois, et puis nous sommes en 25 déjà. Ça passe très très vite les mois et les jours. Bon, pour ça, on ne compte pas tout ça, on compte plutôt sur les chansons, sur la musique. Voilà donc, eh bien, je vous souhaite de passer un bon après-midi en ma compagnie. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec le disco et puis juste après, électro. Avec Nicolas sur Arc-en-Ciel.

the killers that died in the gunfight at OK Corral. OK Corral. Gunfight at OK après le blues. Mami, shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Don't please this. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows. My baby just cares for me. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. I sit here by my window, window, staring at the lonely avenue, avenue, watching lovers holding hands and laughing, ha ha ha, thinking about the things we used to do, think about things like a walk in the park, things like a kiss in the dark, things like a sailboat ride. Yeah, yeah. The night we cried, oh. Things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to, cling to, and heartaches are the friends I'm talking to. But you got me now. When I'm not thinking of just how much I love you, I love you too. Well, I'm thinking about the things we used to do. Used to do, thinking about things like a walk in the park, things like a kiss in the dark, things like a sailboat ride. Yeah, yeah. What about the night we cried? Whee! Things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing, playing, And the face I see each day belongs to you. Belongs to you. Though there's not a single sound and there's nobody else around. Ooh. Well, that's just me thinking about things we used to do. We used to do. Thinking about things. Like a walk in the park. Lots of things. Like a kiss in the dark. Yeah, things. Like a sailboat ride. What about the night that we cried? Things like lovers vow. Things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. And the heartaches are the friends I'm talking to. You got me thinking about the things we used to do. I hope so. Thinking about the things we used to do. Avec tout simplement le blues, et puis juste après il y aura le pop, et puis du côté de la tempête. Try to soothe. ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. All your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Thank you.

Arc-en-ciel. après tout simplement et bien le jazz, voici le la salsa pardon, et puis juste après la dance. C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so. Please, I want you to know. That I'm gonna miss your love. Please the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Arc-en-ciel. Voici donc les chansons portugaises et puis juste après, ce sera le zouk. Ela foi ao Alentejo para esquecer o dia a dia. Percorreu toda a planície. Foram horas de alegria. Ao passar pelo Redondo, quis parar para almoçar. Tinha uma fome danada, ficou tão regalada quando olhou para o manjar. Ela comeu no Redondo, comeu no Redondo até se fartar. Ela comeu no Redondo, comeu no Redondo ao almoço e ao jantar. Ela comeu no Redondo. Estava estressada, tudo lhe sabia bem. Quando viu a sobremesa, logo se atirou também. Foi um prato bem servido, no final quis um licor. E assim ficou atestada, muito bem tratada, ainda viu o prior. Ela comeu no Redondo, comeu no Redondo até se fartar. Ela comeu no Redondo, comeu no Redondo ao almoço e ao jantar. Ela comeu no Redondo, comeu no Redondo até se fartar. Ela comeu no Redondo e promete voltar. E assim ela comeu em muito lado, comeu em muito sítio. Comeu, mas como no Redondo, como no Redondo. Ai, não há paparoca como no Redondo. Ela comeu no Redondo, comeu no Redondo até se fartar. Ela comeu no Redondo, comeu no Redondo ao almoço e ao jantar. Ela comeu no Redondo, comeu no Redondo até se fartar. Ela comeu. bom. Íamos todos de férias já no próximo verão. Tu podes, eu posso, mas eu não tenho pudim. Se eu pudesse, eu podia, assim nada resolvia. Tu podes, eu posso, poder seria bom. Íamos todos de férias já no próximo verão. Na empresa onde trabalho marcam férias todo ano. Pujam para as Caraíbas, México e para qualquer canto. A empresa envolve gado e cuida com meu marido. Faço verão no trabalho, férias não tenho pudido. Tu podes, eu posso, mas eu não tenho pudido. Se eu pudesse, ele podia, assim nada resolvi. Tu podes, eu posso, poder seria bom. Íamos todos de férias já no próximo verão. Tu podes, eu posso, mas eu não tenho pudim. Se eu pudesse, ele podia, assim nada resolvi. Tu podes, eu posso, poder seria bom. Íamos todos de férias já no próximo verão. México e para qualquer canto. A empresa envolve gado que cuida com meu marido. Faço verão no trabalho, férias não tenho pudim. Tu podes, eu posso, mas eu não tenho pudim. Se eu pudesse, ele podia, assim nada resolvi. Tu podes, eu posso, poder seria bom. Íamos todos de férias já no próximo verão. Tu podes, eu posso, mas eu não tenho pudim. Se eu pudesse, ele podia, assim nada resolvi. Tu podes, eu posso, poder seria bom. Íamos todos de férias já no próximo verão. Tu podes, eu posso, mas eu não tenho pudim. Se eu pudesse, ele podia, assim nada resolvi. Tu podes, eu posso, poder seria bom. Íamos todos de férias já no próximo verão. Tu podes, eu posso, mas eu não tenho pudim. Se eu pudesse, ele podia, assim nada resolvi. Eu posso, poder seria bom. Íamos todos de férias já no próximo verão. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, voici le zouk. Ça s'est fait, je t'ai validé. Mais non, non, faut pas t'inquiéter. Ça sera notre petit secret. Personne ne saura ce qu'on a fait. J'ai compris qu'il ne faut pas tomber. Et je fais tout pour résister. Mais mon cœur me joue des tours. Mais faut pas que je t'aime un jour. On s'était mis d'accord, c'est vrai. Je connais notre accord, c'est vrai. Je me retiens encore. Mais là, ça devient trop fort. Je connais notre accord, c'est vrai. Je me retiens encore. Mais là, ça devient trop fort. Mon cœur t'a validé. Pour toi, je suis tombée. Mon cœur t'a validé. Pour toi, je suis tombée. Je suis validé, mon cœur t'a validé. Valide, valide, valide, valide, validé. Pour toi je suis tombé. Valide, valide, valide, valide, validé. Mon cœur t'a validé. Valide, valide, valide, valide, validé. Tu me regardes comme une amie, Mais tu ne sais pas ce que t'as mis. Au fond de mon cœur, je sens de la vie. Je crois que je te veux pour la vie. Je ne sais pas si tu m'aimes aussi. Mais je ne veux pas prendre de risques. Je ne veux pas perdre mon ami. Mais je veux tant que tu me déspires. On s'était mis d'accord, c'est vrai. Je connais notre accord, c'est vrai. Je me retiens encore. Mais là, ça devient trop fort. On s'était mis d'accord, c'est vrai. Je connais notre accord, c'est vrai. Je me retiens encore. Mais là, ça devient trop fort. Mon cœur t'a validé. Pour toi, je suis tombé. Mon cœur t'a validé. Pour toi, je suis tombé. Je suis. La terre peut s'arrêter de tourner.

les émissions pour aujourd'hui ainsi que pour ce week-end, donc eh bien samedi et dimanche. Voilà, donc à partir de 17h, eh bien vous allez retrouver tout simplement Descobertas. Em 96.2, de França, Orleans, para todo o mundo, em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Manuel, tout simplement, et puis juste après lui, vous allez retrouver une émission avec Albino entre 19h jusqu'à 22h. Et puis demain, nous serons déjà samedi. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Donc avec Christine, tout simplement jusqu'à midi, et puis l'après-midi à partir de 15h jusqu'à 18h, mais avec Rhythm André. Et puis le dimanche matin, vous allez retrouver entre 8h jusqu'à 10h Antonio. Et puis juste après, vous allez retrouver entre 10h jusqu'à 12h30 Le Téléphone Sonne avec Jérôme et Lionel. Et puis vous allez me retrouver juste après, tout simplement, jusqu'à 16h avec l'émission de l'accordéon. Voilà donc eh bien, pour les programmes de demain, oui, aussi pour ce soir, ainsi que pour demain et après-demain. Retour avec la musique et retour avec le blues. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Can't you see the tears roll down the street? my baby. And I wonder, what can she be? I saw my baby early one morning. She was walking on down the street. I saw my baby early one morning. She was walking on down the street. You know it hurt me so bad, y'all. It made my poor heart. Thank you. I've got to find some place to go. I've got to leave, yeah. I've got to find some place to go. Because the way things are happening here now, I don't feel welcome here no more. Gonna get up in the morning, pack up my clothes and shoes. You might think I'm joking when I tell you I'm going to no more news. I've got the blues. Tell you, I have the blues. I'm a guy you can't excuse. Oh, let me tell you, I have the blues. Your woman getting down wrong, like I caught mine. That's what gave me the blues. Oh, let me tell you, I have the blues. I'm a guy you can't excuse. Oh, let me tell you, I've got the Voici donc la chanson orientale et puis juste après folklorique. شبك العيون بخلاوته، شبك القلوب بشهوته، شغل العيون بخلاوته، شبك القلوب بشهوته، شغل العيون بخلاوته، شبك القلوب بشهوته، شغل العيون بخلاوته، شبك القلوب Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici donc la chanson folklorique et puis juste après les deux autres, ce sont Tyroliens. L'amour pour être heureux, tout le temps. temps, oh, tout le temps. En amour avec toi, ta di di la la la di di la di la di la di la di la. En amour avec toi, ta di di la la la. En amour avec toi, tout le temps, tout le temps. Avec ton bibado, ta di di la la la di la di la di la di la. Avec ton filaison, ta di di la la la. Avec ton filaison, tout le temps, tout le temps. Les autres depuis tout le monde, depuis la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la dit la. We'll be right back. Après du rock and roll. Yeah! ringing the bell. Go, go. Make me dream of you.

I've learned what love's about. This time I'll be ready when love comes around. When love comes around, I'll be ready. Love will find me a brand new man, and I'll be standing here with my heart in my hand. This time I'll be ready when love comes around. It won't seem the same old me. This time I'll be ready when love comes around. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Arc-en-Ciel, c'est aussi ça? Voilà, donc après l'accordéon, voici retour du disco. Et puis juste après, c'est l'électro. Just as fine. Ceci, ce sera le rap.

cello. Tu danses avec un verre de limoncello, cello. Suis-moi avant que je te ramène à l'hôtel, hôtel. C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. I pass the noise and silence. I walk alone, it's a beautiful day. It's raining and it's cold, reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. I pass the noise in silence. I walk alone, it's a beautiful day. It's raining and it's cold, reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. They feel I too cold, not afraid to be alone. One will judge his gentle soul, let the boy cry, he will know. And they say silver I too cold. I